au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée. Merci beaucoup Xavier. On a un programme et on a un programme pour les mois à venir aussi. Mais ce soir, il s'agit d'abord de parler de Gaïa. Gaïa, c'est une pierre angulaire de l'Agence spatiale européenne, une mission phare. Pierre angulaire, ça veut dire que c'est une grosse, grosse mission spatiale européenne. Elle va coûter 740 millions d'euros. 740 millions d'euros. Donc vous voyez, effectivement, c'est une grosse mission, y compris du point de vue financier. Et c'est tout prochainement, le 20 novembre, que Gaïa va prendre le large. Alors je dis prendre le large, j'utilise une métaphore maritime, parce que j'ai l'impression que ça s'impose effectivement. Vous allez comprendre. C'est difficile à comprendre Gaïa, ou plutôt c'est difficile à résumer, difficile à expliquer d'un mot en quoi Gaïa est si extraordinaire et en quoi il se justifie effectivement de payer autant d'argent pour une mission. Alors voilà, je vais filer une métaphore maritime. Gaïa dispose en réalité d'un filet, un filet de pêche pour faire une pêche miraculeuse. Ce filet, d'abord il est gigantesque, il va couvrir toute la voûte céleste. Et en plus, c'est un filet extraordinairement fin, avec des mailles extraordinairement fines, puisqu'il va permettre d'attraper 1 milliard de petits poissons, disons plutôt de détecter 1 milliard de petites étoiles parmi les moins lumineuses. Et on va avoir là-dedans des espèces extraordinairement nombreuses et variées. On va attraper dedans des poissons comme des étoiles, des quasars, des supernovées, des astéroïdes et même des exoplanètes. Et grâce à cette pêche miraculeuse, Gaïa va permettre de nourrir intellectuellement bien sûr, une vaste communauté de scientifiques, des astronomes, des planétologues, des astrophysiciens, des cosmologistes, des physiciens de la relativité et j'en oublie. Vous avez donc compris que Gaïa est effectivement un outil extraordinaire. Un outil d'ailleurs que la NASA nous envie. La NASA n'a pas du tout l'équivalent. C'est l'Europe qui est capable de lancer des missions comme ça d'astrométrie. Et on va en parler avec vous, avec vos questions. Je vais vous passer le micro dans quelques instants. Vous allez pouvoir discuter avec nos deux intervenants que je vous demande de bien vouloir accueillir, s'il vous plaît. Alors c'est Olivier Lamarle et Catherine Turon. Olivier Lamarle, ou Catherine Turon d'ailleurs. Honneur aux femmes. Est-ce que vous voulez nous parler de vous? Je suis astronome à l'Observatoire de Paris à Meudon. Et donc, enfin, je suis même astronome émérite, à vrai dire. Et donc, je travaille dans ce domaine depuis fort longtemps, puisque j'ai travaillé sur Hipparchos, en gros, de 73 à 97, et sur Gaïa. Hipparchos, c'est le prédécesseur voilà, de Gaïa. Hein. De Gaïa. Et donc, sur Gaïa, depuis 91-92, avec les premières études sur la science qu'on pourrait faire avec une précision comme celle de Gaïa. Donc voilà, j'ai par ailleurs coordonné les actions sur Gaïa en France pendant 6 ans. Voilà. Donc vous connaissez ça absolument par cœur, scientifique, astronome, astrophysicienne, et vous étiez même à l'origine, hein, pour partie d'Hipparchos, hein, vous étiez là dès le début de cette histoire, donc vous connaissez ça absolument par cœur. Merci d'être avec nous. Et puis Olivier Lamarle. Bonjour. Donc, moi, je travaille au CNES. Je suis à la direction des programmes du CNES, ici, là, au HAL, juste à côté. Et je m'occupe des programmes d'astronomie. Je m'occupe, c'est-à-dire je ne fais pas grand-chose, en fait. Je recueille les idées des brillants scientifiques comme Catherine. Et je les propose, je les aide à les mettre en forme et puis à faire des études techniques permettant de savoir si c'est faisable, si ça coûte cher, etc. Pour ensuite les aiguiller vers la bonne agence, le CNES, l'ESA, essayer de les faire décider étape par étape. Catherine vous a dit, Hipparchos, des années 70 jusqu'en 97, donc c'est des années, ça dure des années tout ça, donc j'essaie de catalyser un peu tout ça. Très bien. Catalyser, ça veut dire rendre possible, hein, finalement, tout ça. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que nous avons effectivement grandement bénéficié du soutien vraiment continu et persuasif du CNES à toutes les étapes, et je crois qu'il faut l'en rendre hommage. Très bien. Ben voilà. Voilà ce qui est fait. Xavier, Ah, tu as quelque chose à nous dire. Oui, je voulais dire que moi, depuis que je suis tout petit, en fait, j'entends parler de Gaïa. Je l'ai même vu à la télévision. Gaïa à la télévision ? Mais tout à fait. Vous n'avez pas vu cette ce petit dessin animé ? Dans l'espace toujours en mouvement, vit la plus belle des merveilles que l'on ait vue depuis longtemps, s'envoler à travers le ciel. Cette petite merveille porte le nom de Gaïa. Gaïa, une experte en spectroscopie, Gaïa. Gaïa, qui nous apprendra, c'est vrai, les secrets de la Voie lactée. Venez donc découvrir la malicieuse Gaïa. Catherine et Olivier sont là pour ça. Tout le monde adore Gaïa. Gaïa, Gaïa, Gaïa, Gaïa, Gaïa, l'univers est à toi. All right. C'est Gaïa l'abeille alors, Gaïa la merveille. Hein, Gaïa la belle, Gaïa la belle. Gaïa la belle, Gaïa l'abeille, voilà, on a reconnu. Parfait. Et puis on a nos camarades de My Science Work qui sont là et qui vont tweeter ce soir. Et vous-même aussi, hein, si vous voulez participer au live tweet qui a lieu actuellement sur Twitter pour autour de la soirée, bah, vous pouvez utiliser le hashtag KnessTweetUp sur vos petits portables. Alors, on va commencer maintenant. Je vais vous poser quelques questions et puis après, je viendrai vers vous, hein, pour vous passer le micro. Mais j'ai envie avant tout d'en savoir un petit peu plus sur Gaïa. Et ma première question est la suivante. On commence par quoi ? On commence par quoi ? Parce que Gaïa fait tellement de choses qu'on ne sait pas par quel bout prendre les choses, non ? Catherine Turon. Alors, on peut résumer. Vous aviez lancé un défi tout à l'heure. Ouais. On peut résumer en une phrase. Eh bien, Gaïa va apporter la profondeur du ciel. Quand on regarde le ciel, on a l'impression que tout est à la même distance. Et en fait, Gaïa va permettre de déterminer des distances. Aussi beaucoup d'autres choses, mais ce qui est vraiment unique, c'est les distances. Ouais. C'est à partir de ça, de cette détermination des distances, que tout s'enchaîne. Hein, que, voilà, c'est cette donnée de base, alors il n'y a pas que ça qui est fournie par Gaïa du tout, mais cette donnée, c'est vraiment une donnée de base qui permet d'enclencher tout le reste. Alors peut-être que pour vraiment commencer, on peut commencer par une image, déjà faire les présentations. Vous avez sur vos tables des images, et peut-être que vous pouvez la prendre, la première là. La première, c'est celle-là. Hein ? Voilà, on va prendre celle-là, on voit Gaïa hein, dessus. Alors, qu'est-ce qu'on y voit, Catherine Turon, Olivier Lamarre, là ? Alors, peut-être avant de commencer, je voudrais aussi rajouter deux choses. Vous avez dit que 740 millions d'euros, c'est énorme. Ouais. C'est 30 km d'autoroute. Ah oui. Peut-être 40. Dit comme bon. Ça, c'est sûr que... Bon. Pour aller voir jusqu'à... Jusqu'à Andromède. Jusqu'à des dizaines de milliers d'années-lumière. Hein. Voilà. Voilà. Bon, et l'autre chose, c'est qu'il faut ajouter à ça tous les travaux des scientifiques qui sont, bah, entre autres, financés par le CNES, en tout cas en France, ou par le CNRS. C'est-à-dire que 740 millions d'euros, ce n'est pas l'ensemble. Il y a encore... C'est tout ce que dépense l'Agence spatiale européenne pour l'ensemble de la mission. Donc la fabriquer, la lancer, l'opérer, la faire fonctionner. La faire fonctionner, oui. Voilà. Désolé pour le franglais. Bien, alors sur cette belle image, donc vous voyez quelque chose qui frappe tout de suite, c'est ce grand bouclier. C'est un bouclier thermique. Alors le bouclier, oui, c'est cette soucoupe, hein, si je puis dire. Voilà. C'est une grande soucoupe. Hein. Très grande soucoupe de plus de 10 mètres de diamètre. 10 mètres de diamètre, donc c'est vraiment gigantesque, effectivement. Voilà. Et justement, aujourd'hui, ils ont fait le premier test d'ouverture de ce beau bouclier. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. D'accord. Ouais. Ça s'est bien passé ? Très bien. D'accord. Parce que le problème, c'est qu'ensuite, il faut que ça s'ouvre dans l'espace. C'est dans le vide, mieux, oui. Après toutes les vibrations qu'on a connues au moment du décollage. Donc, ce n'est pas des choses évidentes à réaliser. Hein. Absolument. Donc on a ce grand bouclier. Donc, il est bouclier parce que le soleil sera toujours de l'autre côté. Hein, donc, vers vous, si vous regardez... Le satellite. Alors, ça dépend dans quel sens on regarde. Mais normalement, si le bouclier est en bas et le cylindre vers le haut, si je puis dire, et bien voilà, le soleil est en bas. Est en bas, légèrement à gauche. Donc, de telle façon que le cylindre qu'on voit là ne soit pas éclairé par le soleil. Voilà, pour justement, que la température soit très stable. Donc, finalement, cette image, elle est fausse, hein, d'une certaine manière, parce que là, on le voit, le cylindre, alors que normalement, il est dans l'ombre absolue. Hein. Voilà, il est éclairé par les étoiles, disons. Ah oui, c'est très diffus, ça. Voilà. Bon, et de l'autre côté, bien sûr, il y a des panneaux solaires pour apporter l'énergie. D'accord, on ne les voit pas, les panneaux solaires. Non, on les voit Ils sont fixés sur le bouclier. Alors, en dessous. Ils sont fixés sur le bouclier, donc effectivement, ce n'est pas comme les panneaux solaires qu'on voit habituellement sur les satellites, des choses qui se déploient. Là, c'est derrière, ça se déploie aussi. Hein, parce que quand il sera lancé, le panneau, il est collé contre le cylindre. Collé contre le cylindre. Voilà, et donc, ils ont habillé les derniers jours, là, tout le cadre de ce bouclier avec cette espèce de jupe. Là. D'accord, donc avec ce matériau. Voilà. D'accord. Alors, il y a deux télescopes sur Gaïa. Où est-ce qu'on les voit là sur le... Alors, sur vous voyez une entrée rectangulaire noire en haut près du chapeau. Voilà, donc en haut, sur le cylindre, hein, en haut, si je puis dire, près du chapeau, effectivement, on voit une espèce d'ouverture rectangulaire noire, hein, sombre. Mais c'est à l'intérieur quel télescope ? L'un des deux télescopes. Voilà, c'est un télescope particulier qui permet de regarder dans deux directions du ciel. Ouais. Hein, donc vous avez une entrée qui vise une direction qui est légèrement sur votre droite. Et sur la gauche, il y a une deuxième entrée qui permet de voir un autre champ à 100 degrés environ de l'eau. Alors les deux entrées où entre la lumière pour que le télescope voit quelque chose, ce sont donc l'entrée de droite, c'est cette espèce de grand rectangle hein, sombre à l'intérieur. Et puis on en voit un autre à gauche, là, on le voit de trois quarts. Voilà, on voit les deux entrées sur cette image. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il faut un grand bouclier comme ça, Olivier Lamarre, là ? Vous voulez protéger le télescope de quoi exactement ? Le télescope, c'est une petite chose fragile, bien qu'il se soit fait secouer dans tous les sens au lancement. Il ne va pas se casser, mais le problème, c'est qu'une fois qu'il est en fonctionnement, comme on veut mesurer des positions sur le ciel à des millionièmes de degrés près, eh bien, on ne veut évidemment pas que le télescope, c'est un grand miroir qui est derrière cette fenêtre, mais aussi toute une série d'autres miroirs, on ne veut pas que tout cela se tortille par dilatation quand il y a des variations de température, parce que le satellite tourne sur lui-même, il voit des champs de vue différents, il a des orientations qui varient, donc il y a des petites variations de température. À l'intérieur, il a des réchauffeurs, des électroniques qui fonctionnent. C'est très embêtant pour les miroirs. Les miroirs peuvent se dilater, donc ça veut dire finalement prendre plus de place, occuper un volume légèrement plus important. Et si tout ça se tortille un petit peu, la direction mesurée n'est plus la bonne. On met cette grande jupe déjà pour couper complètement l'effet du soleil et de la Terre, qui est également dans le dos du satellite. La jupe, hein, ce que vous appelez la jupe, c'est le bouclier hein, en l'occurrence. D'accord. Alors c'est un télescope, ce sont deux télescopes assez particuliers. Parce qu'ils ne sont pas là pour pour prendre des images. On n'aura pas d'images avec ce télescope. Gaïa ne va pas prendre d'images. Non, et c'est bien dommage parce qu'il a une résolution, une précision. Il ferait des images d'une très bonne qualité, à peu près comparable à celle de Hubble, ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Non, pas du tout. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder les images, les étoiles qui vont défiler sur son détecteur, hein, on va sans doute en parler après, et il va mesurer la position, c'est-à-dire on va regarder si elles sont à gauche, à droite, sur quel pixel les étoiles passent. Il va relever avec une très grande précision la position de ces étoiles dans son champ de vue. Donc il va renvoyer des positions, c'est tout ce qui l'intéresse. Et non, après, on va parler aussi de la luminosité, le spectre, etc. Mais au premier ordre, c'est surtout la position. D'abord et avant toute chose, la position. Alors, c'est pas très spectaculaire. Alors, je vous dis tout de suite, dire comme ça, je vais mesurer la position des étoiles. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus étonnant. Mais d'abord, il y a quand même quelque chose d'étonnant, c'est la précision avec laquelle on va le faire. Et puis ensuite, il y a tout ce qui vient après, hein, ce à quoi ça sert finalement. Alors justement, on fait avec quelle précision ? De quoi est-ce qu'on est capable au sol pour mesurer la position d'une étoile dans le ciel ? De quoi est-ce qu'on était capable avec Hipparcos ? Et de quoi est-ce qu'on va être capable avec Gaïa ? Alors, on va parler à la fois des positions et des distances, parce que comme on le verra, la distance, elle va se déduire de la mesure de position. C'est pour ça qu'on mesure les positions, c'est qu'après, on va avoir la distance. Avant Hipparcos, on avait beaucoup de mal à faire ça. Donc on avait des distances sur un millier d'étoiles, quelques milliers d'étoiles avec une bonne précision. C'est-à-dire qu'on regardait l'ensemble du ciel. Évidemment, quand on regarde avec un télescope le ciel, on voit bien plus qu'un millier d'étoiles. Enfin, je suppose, je ne me trompe pas. À l'œil ou... Non, ah non, avec un instrument. D'accord. Mais sauf qu'on pouvait déterminer la position des étoiles simplement d'un millier... La distance. Parce que la précision sur les autres était trop mauvaise pour qu'on puisse en faire quelque chose. Avec Hipparcos, on est passé à 100 000 à peu près. D'accord. On est passé de typiquement un millier à 100 000. Donc on a un saut de 100. Avec une profondeur bien supérieure à ce qui était auparavant, mais ça restait quand même un petit peu, on va dire, la lointaine banlieue du Soleil. C'était encore la banlieue. Avec Gaïa, on passe donc de 100 000 à 1 milliard d'objets. 1 milliard d'objets, voilà. D'accord. Et la précision... Donc là, c'est 10 000 fois plus. On avait fait un saut de 100 fois plus. C'est 10 000 fois plus en nombre. Là, en distance, on va visiter cette fois-ci une partie importante de la galaxie. On va sonder... à peu près la moitié de la galaxie en profondeur. Et en termes de gain de précision, on va faire à peu près 100 fois mieux qu'Hipparcos, mais encore une fois sur 10 000 objets au lieu que ce soit 100 000. Et vous m'avez dit que Hipparcos était déjà capable de mesurer, était capable de voir une pièce de 1 euro sur la Lune. Alors ça c'est Gaïa. Ah, voilà. C'est Gaïa, c'est Gaïa. C'est Gaïa. D'accord. Donc je vais vous parler de la position des étoiles que mesure Gaïa. Gaïa est capable de voir la différence entre deux étoiles qui seraient voisines sur le ciel, écartées simplement donc de l'espace de l'équivalent d'une pièce de monnaie sur la Lune. C'est si vous regardez une pièce de monnaie sur la Lune, vous ne la verrez pas. Si vous avez un télescope très puissant et que vous puissiez voir les bords de la pièce de monnaie, Gaïa fait un petit peu l'équivalent de ça. C'est-à-dire qu'elle va être capable de voir si la position de deux étoiles est différente de cet équivalent qui... C'est une dizaine de microsecondes d'arc, une dizaine de millionièmes de seconde d'arc. La précision, c'est une dizaine de millionièmes de seconde d'arc. C'est aussi un cheveu vu à 1000 km. Un cheveu vu à 1000 km, voilà. C'est la précision avec laquelle on va déterminer la position des étoiles. Alors, à quoi ça sert finalement de connaître comme ça avec précision la position des étoiles et leur distance? Eh bien, ça va permettre non pas de faire une photo de la galaxie, mais de pouvoir reconstituer une image extrêmement détaillée de la galaxie. Parce que bon, quand on peut donner la distance de chaque étoile, ça veut dire qu'on va pouvoir dire où elle se trouve dans la galaxie, dans quelle population d'étoiles elle se trouve, si elle se trouve dans le disque, dans le halo, dans le bulbe de la galaxie, et on va pouvoir en déduire aussi les mouvements, parce que si on mesure des positions au cours du temps, eh bien on va pouvoir en déduire donc la distance et les mouvements. Alors on va parler des mouvements, parce que ça c'est une des choses les plus étonnantes avec Gaïa, mais aussi avec Hipparcos à l'époque. Mais avant tout cela, est-ce qu'on peut rappeler, pour ceux qui ne seraient pas totalement au courant, donner une définition quand même de ce qu'est une galaxie, et finalement de ce qu'est une étoile. Bon, une étoile c'est comme le Soleil, hein, voilà, c'est une masse en fusion, et qui crache énormément d'énergie et de lumière, hein, en particulier. Et une galaxie, qu'est-ce que c'est qu'une galaxie? Alors peut-être revenir sur les étoiles, parce que c'est important pour la suite. Donc les étoiles, effectivement, c'est comme le Soleil, sauf que le Soleil, c'est une étoile moyenne, disons. C'est ce qu'on appelle une naine. Une naine. Il y a aussi des géantes. Voilà. Bon, et dans les étoiles, il y en a de vraiment beaucoup de sortes différentes. Il y en a des beaucoup plus grosses que le Soleil, beaucoup plus chaudes, beaucoup plus bleues, enfin bleues, alors que le Soleil est jaune. Il y en a des beaucoup plus petites, des beaucoup plus froides, comme par exemple les naines rouges ou alors les naines blanches. Et puis il y a aussi des géantes qui sont absolument énormes. C'est-à-dire que, bon, c'est ce que deviendra le Soleil dans quelques temps, ça arrivera à englober l'orbite de Jupiter. Ah oui, donc c'est bien au-delà, ça englobera la Terre largement, voilà, et le Soleil enflera tellement, quand elle deviendra une géante, voilà, qu'il ira jusqu'à Jupiter. Et il y en a des encore beaucoup plus grosses que ça, et ce qui est intéressant, c'est que donc elles évoluent d'une position à une autre, enfin d'une situation à une autre, et que Gaïa va observer de manière absolument systématique le ciel, et va donc observer toutes sortes d'étoiles, toutes les sortes possibles et imaginables d'étoiles dans la galaxie, aussi bien les sortes d'étoiles que leurs états d'évolution. Donc toute étoile, même dans des états d'évolution très rapides, il y en aura sûrement dans le catalogue Gaïa. Alors une galaxie, qu'est-ce voilà. que c'est une galaxie ? Voilà, donc la galaxie, ça va être un ensemble d'étoiles de toutes sortes, à tout âge, si j'ose dire, et aussi de gaz et de poussière. Donc, dans donc ce le sont, plan... ça, la forme d'un disque, hein, d'une certaine manière. Ah, elles ne sont pas toutes comme ça, oui, mais non, disons les plus belles. C'est vrai, les plus belles et les plus comme la classiques. Ouais. sont des galaxies spirales, ouais. donc effectivement des disques très aplatis, avec beaucoup de gaz et de poussière dans le disque mince, qu'on appelle, et aussi des étoiles jeunes, qui sont formées donc il n'y a pas très longtemps. Et puis il y a un disque un peu plus épais, avec des étoiles plus anciennes, et dans le halo, des étoiles vraiment très vieilles. Et puis au centre... Il y a des milliers, des milliards, de milliers de milliards d'étoiles. Hein. Oui, oui, tout à fait. Il y a... enfin, Gaïa va observer donc 1 milliard d'étoiles, ce qui est énorme. C'est ouais. Environ 1%, 1,5% des étoiles de la galaxie. Ce n'est que 1% des étoiles de notre galaxie. Voilà. Notre galaxie s'appelant la Voie lactée. Donc il y a d'autres galaxies voilà, on y reviendra tout à l'heure, mais elles sont évidemment encore plus lointaines que... Mais on s'intéresse d'abord et avant toute chose aux étoiles de notre galaxie, à notre banlieue proche, entre guillemets, si je puis dire. Donc voilà ce qu'on est en train de faire. Donc on mesure la position, la distance des étoiles qui composent cette galaxie. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout Alors, ça qu'est-ce qu'on peut en tirer? Donc Gaïa va non seulement apporter donc, c'est les distances et les mouvements, donc les positions oui, des étoiles. Oui, c'est ça que vous disiez, distance, position, voilà. donc, et, les donc, positions. Et donc mouvement aussi. Voilà, les positions dans la galaxie et la manière dont elles bougent dans la galaxie. Parce que les étoiles bougent, attendez, vous dites, excusez-moi, je vous êtes scientifique, ça c'est sûr, mais on sait de tout temps que justement les étoiles ne bougent pas dans les le ciel. Les étoiles c'est justement, fixes. C'est justement pour ça qu'on les prend pour... référence hein, quand on voilà. navigue Et ben parce qu'elle bouge extrêmement lentement. Ah oui. Donc il y a deux phénomènes. Il y a d'une part ce qu'on appelle des mouvements propres. Avant de parler des phénomènes, vous ouais. avez sorti là, une image qui est tout à fait parlante. C'est l'image de la Grande Ourse, si vous voilà. pouvez vous y référer. C'est la troisième page. Donc c'est l'image de la Grande Ourse. Vous la voyez hein, regardez-la, elle est intéressante. Si vous l'avez sur votre table. Alors, qu'est-ce qu'on voit, Catherine Pierron ? Alors, au milieu, il y a la Grande Ourse, telle que je suppose beaucoup d'entre vous la connaissent. Et il y a la Grande Ourse au-dessus, il y a 100 000 ans, et au-dessous, dans 100 000 ans. Oui. Voilà. Donc, toutes les étoiles de la Grande Ourse, d'une part, ne sont pas toutes à la même distance de nous, loin de là. Et d'autre part, ont des mouvements très différents les uns des autres, comme le montrent les petites flèches du milieu, du dessin du milieu. Ah oui, on voit les mouvements, là, sur le dessin du milieu. Voilà, donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que les étoiles dans la galaxie sont animées d'un mouvement de rotation d'ensemble. Donc les étoiles en particulier du disque, plus on s'élève et moins elles suivent ce mouvement d'ensemble. Et en plus de ce mouvement d'ensemble, elles ont chacune un mouvement particulier. Elles ont chacune un mouvement particulier. En plus. Alors, ce que, ouais. Olivier Lamarle, vous me disiez que ce phénomène, en fait, un amateur... pourrait s'en rendre compte, ce mouvement des étoiles. On ne le voit pas évidemment dans une nuit, mais si on attend suffisamment longtemps. Pour des étoiles proches, alors, comme on le verra tout à l'heure, le mouvement est évidemment bien plus apparent si l'étoile est proche et qu'elle a une vitesse importante. Mais un amateur qui tout au long de sa vie relèverait avec une grande précision, avec un bon télescope, la position, en tout cas l'écart de la position de cette étoile par rapport à une étoile plus lointaine qui apparaît, elle, quasiment... Qui, elle, bouge quasiment pas, voilà, ouais. Mesurerait des différences. On parle pas d'échelle de millions d'années, là, c'est quelques années. Ah oui, c'est étonnant. Alors ça, justement, ça nous intéresse énormément, ces mouvements d'étoiles. On va explorer ça grâce, effectivement, à Gaïa. Alors justement, quels sont ces mouvements ? Il y a différents mouvements. Alors oui, effectivement... On ne va peut-être pas parler d'apparence tout de suite. Parce que... bon. Alors, il y a différents mouvements, oui, effectivement, parce que je disais déjà tout à l'heure, donc le mouvement d'ensemble de la galaxie et des mouvements... Donc ça, c'est la galaxie qui est en rotation, c'est ce disque en rotation. Alors, on a bien compris qu'il y a des étoiles qui tournent plus ou moins vite, hein, selon la position, leur voilà. position. Ouais. Et donc, bon, pour le voir à l'œil nu, il y en a quand même très peu, parce qu'il faut qu'elles bougent très rapidement. Ouais. Voilà. Et bon, d'autre part, bah, la galaxie aussi bouge. Donc, tout bouge, en fait, hein, là-dedans. Tout donc, bouge. La galaxie bouge par rapport aux autres galaxies, ses voisines, hein, puisqu'il y en a quand même pas mal dans un voisinage relativement proche. Et donc, la galaxie se déplace aussi. Je crois qu'il y avait une image, une autre image qui était intéressante. Je ne sais pas si on peut la regarder, c'est cette image-là. On pourrait regarder celle-là ? Oui, mais qu'est-ce si vous en pensez ? Si vous voulez. Oui, on parle encore de mouvement, là. C'est cette image-là qu'on pourrait regarder. Bien, alors, là-dessus, donc, ce qu'on a, c'est le déplacement d'une étoile, un peu particulière, mais d'une étoile sur le ciel. Donc, vous avez un tas d'étoiles qu'on suppose plus lointaines, qui sont supposées presque fixes. Ah, ça, c'est une simulation. Hein, c'est une simulation, et c'est un mouvement... Mais c'est une simulation réaliste. Sauf que le mouvement est très amplifié. Ah, d'accord. Et le mouvement est très amplifié, d'accord. Sinon, on verrait rien. Donc... ce mouvement se décompose en trois, disons, là. Disons, un mouvement à peu près linéaire, donc régulier. C'est-à-dire que l'étoile, si on considérait que son mouvement par rapport au Soleil, ça serait une droite en diagonale de la figure. C'est ça. Alors, il y a un deuxième effet qui se rajoute à celui-là, qui est dû au fait que la Terre tourne autour du Soleil. Il y a des espèces de boucles, là. Donc, les boucles sont, en fait, le reflet du mouvement de la Terre autour du Soleil, donc de l'orbite du Soleil. D'accord. Et ces boucles seront d'autant plus grandes que les étoiles seront proches. D'accord. Donc là, ces boucles, elles ne sont pas dues au fait que l'étoile elle-même est en mouvement. Voilà. Elles sont dues au fait que la Terre elle-même est en mouvement. Voilà. Et c'est un intérêt quand même, ça. C'est justement ça qui permet de déterminer la distance. Parce que ces boucles qui permettent de déterminer la distance. Voilà. Ouais. C'est le diamètre, si vous voulez, de ces boucles qui permet de déterminer la distance. Parce que plus une étoile est lointaine... Plus les boucles sont petites. Plus les boucles sont petites. Et plus l'étoile est proche... plus les boucles vont être grandes. Donc voilà, c'est juste le même effet que vous avez quand vous marchez le long d'une rue et qu'il y a des arbres et derrière il y a des monuments. Ici, par exemple, on va voir les arbres se projeter à différents endroits du monument qui est derrière, ouais, au fur et à mesure qu'on avance. Ouais. C'est exactement la même chose. D'accord. Et ça permet de déterminer à quelle distance. Si on sait à quelle distance se trouvent les arbres, ça permet de savoir à quelle distance se trouve le monument derrière. C'est plus compliqué c'est que ça. C'est plus compliqué que ça, d'accord, mais très bien, d'accord. Si on mesure la distance qu'on parcourt soi-même à pied, oui, c'est ça, et qu'on mesure les angles, donc la direction dans laquelle on voit l'arbre, on arrive à déterminer la distance de l'arbre. Admettons que l'arbre soit de l'autre côté de la Seine et qu'on ne puisse pas la traverser. Oui, c'est ça, c'est la distance de l'arbre qu'on cherche. Voilà. J'ai compris. C'est la distance des objets les plus proches. Les objets les plus proches, absolument. Alors donc, on a compris les boucles. Alors, les boucles. Et alors, ces boucles, si vous avez bien observé, elles sont un peu déformées. Oui, elles ne sont pas tout à fait régulières, voilà, exactement. Voilà. Et donc, en fait, ça prouve qu'il y a un objet qui tourne autour de l'étoile qu'on a dessinée, enfin, dont on a dessiné le mouvement ici. Et donc là, en l'occurrence, c'est une exoplanète assez grosse. Alors, si on regarde la troisième boucle, ça dépend dans quel sens vous prenez la feuille, évidemment. Mais si vous regardez, il y a ce que j'appelle la troisième boucle, elle a une espèce de forme de cœur, si je peux dire. Voilà. Si on regarde dans ce sens-là, une espèce de... Là, je regarde. Oui, là, il y a comme une espèce d'inflexion qui fait que ça ressemble à un cœur, là, vous voyez ? Et bien ça, c'est la présence d'une exoplanète. Ça, c'est, voilà, parce que... Et là, il y a une planète qui tourne autour de cette étoile. Voilà. Et ça, ce qu'on observe, en fait, c'est la combinaison des mouvements de l'étoile perturbée par la planète. Voilà. En fait, on voit le mouvement du centre de gravité, pour ceux que ce mot n'effraie pas. Oui, le centre de gravité. Sont à Toulon, elle habite Venise, oui, mais comme Gaïa, elle voit un jeu à 1000 kilomètres. Pas mal la coiffeuse. Bravo Xavier, merci à toi. Petite virgule musicale de Xavier. Est-ce que, voilà, on a fait que effleurer le sujet, hein, y a encore plein de choses à se dire. Est-ce que, quand même, à ce stade, quelqu'un aimerait poser une question, donner un commentaire Alors, monsieur au fond. Je pense que vous avez une fonction transversale auprès du CNES par rapport aux équipes avec lesquelles vous retenez les programmes. Et sur quels critères globaux, généraux, vous retenez ces programmes ? Par exemple, là, comme le programme Gaïa qui a été retenu. Alors, Gaïa, c'est l'ESA qui l'a choisi, c'est pas le CNES. Le CNES l'a soutenu. Le CNES l'a soutenu. Donc, vous l'avez bien choisi aussi. Le CNES fait partie de l'ESA et donc a une voix à l'ESA. Et le CNES, d'autre part, définit ce que la France, parce que comme l'a dit Catherine, les 740 millions, c'est l'ESA, mais les États membres donc, mettent aussi à la poche, la main à la poche pour contribuer à certains aspects techniques. On en parlera. Donc, le CNES définit ce qu'il va mettre là-dedans et selon que ça lui paraît intéressant ou pas, il en met plus ou moins des sous. Alors comment il choisit ça ? Eh bien, c'est sur l'excellence scientifique. C'est-à-dire qu'il s'appuie sur des groupes de conseils scientifiques. Et il y a à peu près la même chose à l'ESA. Donc il y a un groupe pour l'astronomie. Alors au CNES, astronomie, c'est ce qu'il y a au-delà du système solaire. Il y a un groupe pour le système solaire, un groupe pour le soleil, pour l'exobiologie, pour la physique fondamentale. Et ces groupes se réunissent régulièrement et examinent toutes les propositions qui sont faites par les scientifiques français. Les évaluent, donnent leur avis sur l'intérêt scientifique. C'est-à-dire, est-ce que ça n'a pas déjà été fait ? Est-ce qu'on va vraiment faire un pas en avant significatif ? Parce que pour envoyer des objets aussi chers dans l'espace, il faut quand même qu'on fasse mieux que deux fois mieux la fois d'avant. Hein. Il faut qu'il y ait ce genre de critères. Bon, après, dire que la politique n'interfère jamais là-dedans, ça serait un peu faux. C'est-à-dire que parfois, dans ce beau montage, ça c'est valable aussi bien pour l'ESA que pour le CNES, dans ce beau montage où on écrème à la fin, on ne retient que les propositions qui sont les mieux notées par la communauté scientifique. Bon, ça, c'est l'idéal. Dans la pratique, parfois, et notamment dans les votes de l'ESA, etc., il y a des conseils ministériels dans lesquels on nous dit « Bon, là, on va voter, alors pas forcément pour tel ou tel projet, mais on va voter globalement pour renforcer un peu tel domaine, parce qu'on voudrait bien que on veut faire plaisir à nos petits copains d'à côté qui parce qu'on voudrait qu'ils votent pour notre projet de futur lanceur. Bon, il y a toujours un peu de politique derrière, mais enfin, ça arrange un peu parfois. Voilà. Mais globalement, quand même, c'est l'essentiel, c'est l'excellence scientifique. En l'occurrence, Gaïa, c'est une cornerstone parce que. Cornerstone, c'est pierre angulaire. Pierre angulaire, hein. Voilà. Ouais. Parce qu'au-delà de ce dont on a parlé, hein, la mesure de position vitesse, elle va donner toute une série de catalogues avec les couleurs des étoiles, les spectres, etc., qui vont être mis dans des archives à disposition du monde entier. Et des gens qui n'ont rien, qui se fichent complètement de savoir à quelle vitesse se déplacent ces étoiles, vont être très contents de trouver des exoplanètes, des quasars lointains, etc. etc. Parce qu'il n'y a pas que les questions de distance, hein, effectivement. Est-ce que je me permets juste de vous interrompre une seconde, monsieur, pour continuer, poursuivre votre question. Gaïa avait quand même, d'après ce que j'ai compris, plusieurs intérêts. L'un de ses intérêts, c'est qu'il pouvait servir une grande partie de la communauté scientifique. Pas juste, par exemple, les planétologues, comme si on envoyait quelque chose sur Mars. Pas juste les astrophysiciens, etc. Mais vraiment, il y a les cosmologistes aussi, etc. Tout le monde est intéressé par Gaïa. Tout le monde va en faire son miel. En fait, Gaïa va aussi mesurer 500 000 astéroïdes. Donc, une description encore très détaillée du système solaire. Va mesurer donc 500 000 quasars. Donc, va faire un système de référence fort utile pour diriger les satellites, par exemple. Et on va y revenir, ouais. Voilà. Donc, c'est extraordinairement varié. Et ce qui justifie les 740 millions d'euros, c'est quand même ça aussi. Hein, c'est voilà. Que ça va, toute la communauté scientifique va être intéressée. Ouais. Et il faut se rappeler quand même que Hipparchos avait, permis l'écriture de 17 000 articles scientifiques. C'est vous, Catherine Turon, qui m'avez dit ça. Oui. 17 000 articles scientifiques grâce à Hipparchos. Il y a 17 000 qui utilisent des données d'Hipparchos. Ah oui, c'est absolument. Et donc, peut-être le dernier domaine, quand même fort intéressant, c'est des tests de la relativité générale. Oui. Voilà. Quel est le diamètre, en gros, du cylindre là, qui comporte les télescopes et quelle est la masse complète de Gaïa ? Le diamètre, je pense, c'est à peu près 2 mètres, un peu plus de 2 mètres. Et la masse totale, c'est un peu plus de 2 tonnes au lancement. La masse totale de Gaïa, c'est 2 tonnes au lancement. Et les télescopes à l'intérieur ont des miroirs qui font... c'est des miroirs rectangulaires, d'ailleurs, hein, qui ne sont pas circulaires. Et ils font... Ils font 1,40 m sur 50 cm. 1,40 m. Vous les voyez sur la deuxième page. Voilà. Vous en voyez un, en fait. Vous avez une deuxième... Ils sont complètement symétriques. Vous voyez cette image-là, et vous voyez en bleu... là, vous ne voyez qu'un seul des miroirs. L'autre, vous le voyez de dos, hein, avec cette espèce de structure en nid d'abeille, si je puis dire. Voilà, en bleu, vous avez un miroir. C'est ce qui est noté M1 sur cette image-là. Voilà, et on voit tout le trajet de la lumière, hein, qui arrive, et puis qu'il y a tout un ensemble de la lumière qui rebondit, etc. Il y a les deux images qui se rejoignent en M4. Hein. Les deux images des deux télescopes se rejoignent en M4. Et puis ça continue M5, M6. Et on arrive jusque sur la partie verte. Hein. C'est la caméra, ça, finalement. Enfin, c'est l'œil de la caméra. Hein, on peut dire ça, Olivier Lamarle ? Oui, tout à fait. C'est l'équivalent du petit détecteur qu'il y a dans votre appareil, dans l'appareil photo numérique de votre smartphone, sauf que il doit faire moins d'un millimètre dans votre smartphone. Et ici, là, ce détecteur, il fait un mètre de long. C'est le plus grand détecteur de ce type jamais envoyé dans l'espace. Le plus grand détecteur de ce type. Oui, monsieur. Alors, on arrive juste à vous avec un micro. J'ai deux questions, en fait, messieurs, dames. Tout d'abord, la position de Gaïa, son orbite ou sa position par rapport à la Terre. Et la seconde question concerne la température des détecteurs que je trouve élevée à 170 K, comparée, par exemple, à Planck, qui est à 0,1 ou 2 degrés K. Bien, alors on peut répondre tout de suite sur la température. Bon, bah Gaïa observe dans le visible, alors que Planck ou Herschel observaient là, dans les ondes radio submillimétriques et Herschel dans les ondes infrarouges lointains. Donc les détecteurs infrarouges et millimétriques ont besoin de fonctionner à des températures très très basses, comme vous avez dit. Et Gaïa, 0,1 K, c'est moins 273. Moins 276 degrés. 13, pardon. Et donc, on est proche du zéro absolu, là. Hein. Tout à fait. Et donc, Gaïa, c'est dans l'optique. Et ça fonctionne à moins 110 degrés. Mais la grosse difficulté avec Gaïa, c'est qu'il faut une stabilité thermique de quelques 10 microkelvin. Stabilité thermique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas bouger en température de plus de 10 microkelvin, voilà. Donc 10 millionièmes de degrés. Hein, voilà. 10 millionièmes de degrés, ah oui. Voilà. Bon, alors sinon, la position, donc Gaïa va être envoyée au point de Lagrange numéro 2, qui est donc un point soigneusement choisi pour sa stabilité thermique aussi et quasi-stabilité dynamique, c'est-à-dire que dans le système Soleil-Terre, c'est un endroit... disons, qui est quasi stable, c'est-à-dire qu'il faut extrêmement peu d'énergie pour maintenir le satellite sur son orbite à cet endroit-là. Alors, la durée de vie, demande. Monsieur demande la durée de vie. J'arrive. Je vous en prie. Oui, merci, madame, pour votre réponse. Mais justement, concernant la durée de vie de Gaïa, en relation avec la consommation d'énergie pour le maintien en position. Voilà, alors le maintien en position. Restons une seconde sur le point de Lagrange, parce qu'on n'a pas expliqué ce que c'est qu'un point de Lagrange. Juste d'un mot, qu'est-ce que c'est ? Alors, bah, disons que c'est le mathématicien Lagrange qui a fait des beaux calculs de mécanique céleste et qui a montré que dans le système Terre-Soleil, il y a plusieurs points comme ça qui sont très stables. Donc, si on prend l'axe entre le Soleil... Donc, il est très loin, ce point. On est quand même à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Hein. Voilà. D'accord. Et pour comparaison, la Lune est à 350 000 kilomètres. Là, c'est 1,5 million. Hein. Tout à Donc, fait. C'est presque 5 fois plus. Voilà. Qu'est-ce qui fait que c'est stable, ce point-là ? Parce qu'il se trouve que la vitesse circulaire, donc la force centrifuge à cet endroit-là, équilibre exactement l'attraction du Soleil ajoutée à celle de la Terre. C'est-à-dire qu'on est sur une ligne Soleil-Terre, on est au-delà, il y a le Soleil, voilà, ensuite il y a la Terre, et on est au-delà ensuite sur cette ligne-là, voilà. 1,5 million de kilomètres. Voilà. Et donc, on tourne en même temps que la Terre. Voilà, et donc l'attraction de la Terre et du Soleil à cet endroit-là, au point de Lagrange, compense la force centrifuge. Voilà, donc on a besoin de très peu d'énergie pour maintenir le satellite là. Et disons qu'on a du gaz froid qui sera envoyé à très petite dose. Et il y en a pour au moins 6 ans et demi. 6 ans et demi, La durée nominale, comme on dit, de la mission est de 5 ans. Mais ça peut durer un peu plus longtemps. Ah ben, allez-y, je vous en prie, monsieur. Pour les galaxies lointaines, est-ce que les formes ne varient pas en fonction de l'âge des galaxies ? Alors, oui, ça, c'est tout un programme. Donc, oui, effectivement, les galaxies, les premières galaxies, disons, entre beaucoup de guillemets, sont plutôt pas des galaxies spirales, sont plutôt des galaxies elliptiques, beaucoup plus denses, mais disons qu'on ne va pas vraiment... Ce qu'on va observer Alors, comme... Les premières, c'est les premières à s'être formées dans l'histoire. Voilà. Oui. Et Bon, les grosses différences, c'est plutôt dans le taux de formation d'étoiles, qui était beaucoup plus fort il y a un certain temps, disons, enfin il y a très longtemps, que maintenant dans notre galaxie, par exemple, actuellement. Bon, et sinon, Gaïa ne va observer que des objets quasi ponctuels. Donc, en fait, va observer des quasars très, très loin. Un objet quasi ponctuel, c'est un objet qui ressemble à un point. Hein, qui ressemble, voilà, qui, tout à fait. Et donc, en dehors de notre galaxie, les seuls objets que Gaïa va observer en dehors des quasars, c'est les étoiles les plus brillantes dans les nuages de Magellan, qui sont les deux galaxies, d'ailleurs celles-là complètement irrégulières, qui sont proches de nous, et aussi dans Andromède, qui est la spirale la plus proche de nous. Mais là, seulement les étoiles vraiment les plus brillantes. Donc, on va voir les étoiles de notre galaxie, mais on va aussi voir quelques étoiles dans des galaxies qui sont proches de nous. Qui sont proches, du moment qu'elles sont suffisamment brillantes, puisque Gaïa observe tous les objets plus brillants que la magnitude 20, c'est-à-dire 400 000 fois plus faibles que ce qu'on voit à l'œil nu. Ah oui, d'accord. Donc on va vraiment voir des choses extrêmement ténues. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Peut-être que j'avance dans l'exposé ou dans la discussion, mais comme Gaïa doit mesurer la vitesse et la position des étoiles de la galaxie, est-ce que ça va nous renseigner sur l'existence, enfin, l'existence de matière et énergie sombre au sein de notre galaxie et de pouvoir la mesurer? Ah, c'était la question de madame, ben voilà. Bien, alors en fait, la matière sombre, c'est vraiment quelque chose dont on a déduit l'existence de l'observation justement des mouvements des étoiles et en particulier du mouvement de rotation de la galaxie, enfin des galaxies, mais donc là on parle de la nôtre. Donc la variation de ce mouvement de rotation entre les étoiles qui sont près du centre et puis de plus en plus loin. Donc si on regarde la variation de ce qu'on appelle la courbe de rotation, donc la galaxie ne tourne pas comme un corps solide, mais il y a des parties qui tournent plus vite que d'autres. Et donc, quand on étudie ça, ça ne peut pas être expliqué par les étoiles qu'on voit. Enfin, étoiles plus gaz, plus poussière. Donc, toute la masse qu'on peut observer. Et donc, pour arriver... Il y a des effets gravitationnels qui ne peuvent s'expliquer que si il y a davantage de masse à l'intérieur de la galaxie. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas de quoi est faite cette masse, parce qu'on ne la voit pas. Exactement. Donc c'est ça la matière noire, c'est la matière sombre. C'est pour ça qu'on l'appelle noire. D'accord. Voilà. Alors monsieur disait, alors justement, cette matière, elle a donc des effets gravitationnels, donc elle va attirer les étoiles. Est-ce qu'on va voir dans le trajet, dans la trajectoire des étoiles, est-ce qu'on va voir le signe de la présence de matière sombre, parce que l'étoile serait plus ou moins attirée par tel endroit ou quelque bon, chose alors, comme ça c'est pas... C'est pas aussi simple que ça. J'imagine bien, mais je pose de la façon la plus simple possible. Ça va être l'ensemble des mesures de mouvement des étoiles, donc en fonction de leur distance au centre de la galaxie, qu'on va observer. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc c'est... La réponse est oui. Oui. En regardant ces populations d'étoiles, ce milliard d'étoiles, la manière dont elles bougent, etc., on devrait pouvoir détecter, enfin avoir des renseignements sur la matière noire. On va avoir des renseignements sur la répartition de la matière noire dans la galaxie. Et aussi, grâce aux observations, justement, dans les galaxies les plus proches, on va pouvoir avoir des idées sur la manière dont les galaxies les plus proches bougent par rapport à la nôtre. Et donc sur les mouvements dans ce qu'on appelle donc le groupe local de galaxies, et ça va donner aussi une distribution de la matière noire dans le groupe local. Donc la réponse est oui. Mon tonton est un chouette type, c'est un gars gentil. Tout le temps une bonté l'habite, jamais il ne punit. Et je me suis aperçu qu'à mesure qu'il vieillit, sa forme physique diminue, et oui, il ramollit. Moralité, la forme d'un galaxiste varie en fonction de son âge. Ah ah. La forme d'un galaxiste varie en fonction de son âge. Voilà, je relève les copies, ceux qui n'ont pas compris. Il faut me l'écrire, hein, et on verra ensuite ceux qui ont compris. Vous avez une autre question? Non, on a monsieur derrière. D'accord. Le point de Lagrange, c'est lequel? L2. L2, merci. Voilà. L2, monsieur. Je voulais savoir à quel intervalle de temps on pouvait faire une photographie. Quel est l'intervalle de temps nécessaire entre deux photographies de la galaxie ? Bon, alors, disons que on fait pas vraiment une photographie. Ce qu'on fait, c'est vraiment une description très très détaillée de toutes les étoiles suffisamment brillantes pour être observées par Gaïa dans la galaxie. Alors, les observations, il y aura à peu près, en moyenne, 70 observations par objet, donc que ça soit étoile, astéroïde. Chaque objet sera vu 70 fois au cours des 5 années. Et selon même sa position dans le ciel, ça va varier de 40 à 200 fois. Il y a des objets qui seront observés 200 fois. Bon, alors avec des intervalles de temps qui ne sont pas réguliers, puisqu'on a deux champs de vue, et que donc le satellite avec deux télescopes, qui regarde deux endroits différents en même temps. Donc sur un champ du ciel donné, le premier télescope va passer, puis le deuxième 106 minutes après, puis de nouveau le premier 6 heures après, 106 minutes après. Parce qu'on tourne sur soi-même. Tourne sur soi-même et à chaque un grand cercle, puis le suivant qui est légèrement décalé par rapport au précédent. Et au bout de 4 mois, on a couvert tout le ciel. Donc en fait, il y a des intervalles d'observation qui ne sont pas réguliers. Une hémisphère. Les deux hémisphères. Les deux hémisphères au bout de 4 mois, d'accord. Voilà. Et ça, c'est un des gros avantages, évidemment, d'un satellite, c'est qu'on observe l'ensemble du ciel avec le même instrument. Olivier Lamarre, là. Si on prend l'image d'artiste de Gaïa... Donc c'est la belle image qu'on a vue au tout début. La première page. Avec la voie lactée dans le fond. On a dit que le satellite était au point de Lagrange L2, donc... Sur la droite, Terre-Soleil, on va du Soleil vers la Terre, on dépasse la Terre, on fait encore 1,5 million de kilomètres. On imagine qu'on a une tige rigide et qu'on accroche le satellite sur cette tige par en dessous de la jupe. Donc, vu du Soleil, on voit l'arrière de la jupe. C'est un peu grivois, mais on vous suit. Voilà, je m'en doutais. Et le cylindre est donc derrière dans l'ombre. Et vous avez vu que les ouvertures des télescopes sont sur les côtés du cylindre. Et le satellite tourne autour de cette tige. Donc vous voyez qu'il balaye les deux télescopes, regarde des grands cercles autour de cette tige. Et cette tige, comme elle tourne en un an avec la Terre autour du Soleil, eh bien, elle se déplace comme ça. Donc progressivement, le satellite au bout de sa tige, il tourne sur lui-même. Et en même temps, cette tige décrit entièrement une révolution autour du Soleil. Et si vous imaginez bien, vous avez peut-être vu des vidéos sur Planck aussi. Planck avait exactement le même principe. Donc le faisceau balayé qui fait à peu près un degré, hein, de l'ordre d'un degré de taille, le faisceau balayé par les télescopes, progressivement, il va balayer tout le ciel et même les zones du ciel vont être visitées plusieurs fois parce qu'il y a des recouvrements. On va regarder cette image-là, si vous voulez bien regarder cette image-là. Voilà. Et là, on va comprendre aussi le mouvement de... Voilà, donc sur cette image-là, on voit bien que donc, le Soleil arrive sur les panneaux solaires de Gaïa, hein, qui sont indiqués en bleu. Donc là, Gaïa est orientée d'une façon différente hein, de l'image, orientée vers le bas, hein, si je peux dire. Le cylindre est vers le bas. Les télescopes sont en dessous à droite. Voilà. Alors il y a les deux lignes de visée. Hein, il y a les deux lignes de visée, qui sont donc les deux entrées qu'on voyait. Les deux entrées de lumière, là, ce sont les deux flèches vertes qui s'appellent lignes de visée. Et donc on voit que Gaïa a bien le Soleil dans le dos, mais pas perpendiculaire au bouclier thermique. C'est ça. Et donc effectivement, l'axe de rotation du satellite est toujours à 45 degrés du Soleil. Vous voyez, il y a 45 degrés là, avec un haut à gauche. Effectivement, cet axe de rotation a un mouvement de précession. Ça veut dire qu'en fait... C'est ce qu'on voit en violet. Oui, c'est précession ça. Précession de l'axe en 63 jours. Voilà, il tourne autour de l'axe Gaïa-Soleil en 63 jours. Voilà, donc il y a effectivement une précession. C'est la toupie. C'est la toupie. Voilà, la toupie à la fin. Elle-même, mais en même temps, qui fait un petit mouvement de rotation. C'est la toupie qui fatigue à la fin. Voilà. Elle a un mouvement de précession. Plein de questions par ici. Mais je vous en prie, pas de problème, on est là pour ça. Dans le total des exoplanètes découvertes, quelle est la proportion qui est faite par le système de transit d'une étoile et le système Gaïa ? Alors, pour l'instant, des exoplanètes détectées par leur mouvement astrométrique, leur déplacement astrométrique, il n'y en a quasi pas. Je ne sais même pas s'il y en a une seule qui a été confirmée. Donc c'est le petit cœur qu'on a vu. Hein. Si on voyait ce petit cœur-là, on serait ravis. C'est des mesures extrêmement précises et à faire du sol, c'est quasiment impossible. Donc par des moyens astrométriques, c'est-à-dire par la mesure de la position et de la distance des étoiles, on n'a pas encore réussi à trouver une exoplanète. Il y a quelques mesures qui ont été faites par Hubble, mais qui n'ont pas la précision, bien sûr, de Gaïa, qui ont à peu près la précision de Hipparchos. Par contre, bon, donc les exoplanètes au sol, bon, historiquement, elles ont été... la première détermination, c'était par aussi une étude des perturbations de mouvement, mais les mouvements vers nous et au-delà de nous, donc les vitesses radiales. Et donc ça, c'est encore la principale source de découverte d'exoplanètes. Ça, c'est pas Gaïa. Gaïa ne fait pas ça. Ça, c'est pas Gaïa. Et d'autre part, donc par les transits, c'est-à-dire la photométrie, c'est-à-dire qu'on observe la diminution de la luminosité d'une étoile quand l'exoplanète passe devant. Alors, des découvertes comme ça, il y en a de plus en plus. D'abord, il y en a eu avec le satellite Corot. Il y en a au sol aussi, d'ailleurs. Il y en a eu combien avec Corot? 64, je crois. Quelque chose comme ça, oui. Ouais. Et donc, avec... Ah oui, mais je parlais de Corot, cher monsieur. Je dis, monsieur, on en est près de 800, on est à près de 1000 même. On est même, à presque 1000. Ouais, on est à 980. Enfin, on était hier à 998. Ah, on y est presque, là. Et donc, les transits... Il y en a une source énorme qui est en train de se révéler, si j'ose dire, c'est toutes les observations faites par le satellite Kepler. Et donc là, il y a des milliers d'étoiles. Donc, qui est fait pour ça, hein, Kepler, voilà, pour découvrir des exoplanètes. Qui sont peut-être des exoplanètes, mais ça doit être confirmé par les observations de vitesse radiale. Donc il y en a plus tous les jours en ce moment, parce qu'il y a des confirmations des observations de Kepler. Alors ce qu'il faut dire, c'est que Gaïa va découvrir davantage d'exoplanètes que Kepler et Corot réunis. Voilà, mais ça ne sera pas les mêmes. Ah, ce ne sera pas les mêmes. Voilà. Alors, heureusement, d'ailleurs. Elles seront comment, celles de Gaïa? Ce seront des grosses, c'est ça? D'une part, ça sera essentiellement des grosses, parce qu'on pourrait observer, des exoplanètes grosses comme 10 fois la Terre que s'il y en a autour des étoiles vraiment très proches de nous. Donc ça, on ne sait pas. S'il y en a, on les verra. Le gros avantage de Gaïa, c'est que ça va découvrir, disons, toutes les grosses planètes, mais de manière complètement systématique. Donc ça va nous permettre de faire vraiment une statistique sur la présence d'exoplanètes en fonction de la masse qui existe vraiment autour des étoiles proches du Soleil. Donc c'est vraiment les grosses exoplanètes, hein, les grosses de Jupiter. De genre Jupiter. Hein. Ouais. Vous faites allusion à ce qu'on appelle les Jupiter chauds, peut-être? Oui, exactement. Tout à fait. Ce sont des Jupiter chauds. L'avantage de Gaïa, c'est qu'il pourrait détecter aussi des Jupiter froids, des vrais Jupiter, entre guillemets. Et donc, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Monsieur. Oui, bonsoir. Je m'interroge sur ce que vous avez choisi comme point fixe pour le contrôle d'attitude du satellite pour obtenir une telle précision. Ah oui. Comment est-ce que vous faites pour avoir une telle précision du millionième de la seconde d'arc, là? Il faut une référence fixe, là, quand même. Dans cet univers mouvant, dit monsieur. Il a pas tort, quand même. Parce que si tout bouge, vous n'avez pas de référence. Comment vous pouvez mesurer le mouvement? Il faut bien mesurer un mouvement par rapport à quelque chose que vous considérez comme fixe. Alors, Gaïa, il a à bord des senseurs stellaires qui se repèrent par rapport à des étoiles lointaines, comme la plupart des satellites actuellement. Donc, il mesure sa position dans le ciel, sa direction de visée par rapport à des étoiles connues. Le problème, c'est que la précision qu'on peut obtenir avec ce type de méthode, on la connaît bien, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, et on est loin de la précision de Gaïa. Ce sont des étoiles qui se trouvent, qu'on considère comme lointaines, mais qui sont quand même dans notre galaxie. Mais qui sont dans notre galaxie, qui sont très bien connues. Donc, on a des senseurs stellaires qui ont un champ de vue assez grand, de façon à ce qu'on en ait toujours quelques-unes de ces catalogues qui soient dedans. Et alors on sait que si le senseur stellaire qui est monté sur la caisse du satellite vise dans telle direction, le télescope qui est, lui, a un angle de temps par rapport à ce senseur, il vise dans telle direction. Mais ça, on n'arrive pas du tout aux dizaines de microarcs-secondes. La grande force de Gaïa, c'est que Gaïa va mesurer des écarts d'angle entre étoiles qui sont dans les deux champs de vue qui sont séparés d'à peu près 100 degrés. Et là, on ne mesure pas par rapport à une... Donc ça va s'ajouter à la mesure de l'orientation de Gaïa. Mais ce qui fait surtout la finesse de la mesure, c'est que c'est cette mesure d'écartométrie entre des étoiles. Et pour ça, on se fiche finalement un petit peu de savoir dans quelle direction on vise. Ce qui importe beaucoup, c'est cette mesure d'angle. Et là, il faut une charge utile extrêmement stable. On a parlé de la thermique, de la dilatation, de la température des détecteurs. Le satellite, la charge utile, tout ce que vous voyez sur l'image, c'est une prouesse technologique qui a été réalisée par Astrium. C'est entièrement en carbure de silicium, ça n'a jamais été fait auparavant. Il y a très très peu d'industriels au monde qui maîtrisent ce genre de technologie. D'ailleurs, il a fallu inventer un petit peu comment assembler toutes ces pièces entre elles. Et donc là, c'est extrêmement puissant. Et il y a en plus un système à bord qui mesure en permanence l'angle entre ces deux télescopes. Un système qui utilise de l'interférométrie, qui fabrique des interférences, un peu comme sur l'eau, qui est un système extrêmement précis pour vérifier que, malgré toutes les précautions, il n'y a pas eu encore un petit dépointage relatif entre ces deux télescopes. Et là, on parle de la micro-arseconde. Et puisqu'on parlait de référence, Catherine Thuron, vous vouliez ajouter quelque chose, je vous en prie. Oui. Oui, et en plus, disons que c'est important de pouvoir déterminer exactement où est Gaïa sur son orbite, et que donc, en plus des repères stellaires, on va utiliser bizarrement des observations au sol du satellite lui-même. Donc on va viser avec des petits télescopes Gaïa. Bon, ça a été testé avec Planck et avec WMAP, et donc on va l'observer pour déterminer exactement sa position sur son orbite et sa vitesse, parce qu'on doit déterminer cette orbite à 1 mm par seconde près. Et alors, il y a donc cette référence que Gaïa va aussi permettre de réaliser à base de quasars. Est-ce qu'on peut parler de ces quasars? Qu'est-ce que c'est d'abord un quasar? Alors, un quasar, c'est un noyau de galaxie très brillant. Et donc, où il n'y a rien autour, où il n'y a plus que le noyau, où on ne le voit pas, ça, je ne sais pas. Et on ne sait pas à quoi ça ressemble. C'est une source d'énergie énormément brillante. Ouais. Hein. Et donc, c'est des objets extrêmement loin, dont on peut supposer qu'ils sont quasi fixes. Bon, alors, ils ne le sont pas tout à fait, parce qu'en radio, où on peut observer en interférométrie... VLBI, donc... interférométrie à très longue base, on voit effectivement que les sources radio des quasars ne sont pas toujours exactement localisées exactement au même endroit. Mais disons que sur 500 000, ça fait vraiment un repère. 500 000 quoi ? 500 000 quasars ? 500 000 quasars seront observés par Gaïa. Mais on en connaît combien aujourd'hui ? Bon, on en connaît peut-être 1 million. Hein. On connaît 1 million de quasars ? Oui, et on va augmenter ça à 500 000, c'est le chiffre tout observer. Oui. Gaïa va les observer jusqu'à la magnitude 20, comme tous les autres objets qu'elle va être capable d'observer. Bon, mais l'avantage, c'est que jusqu'ici, ce qui vous permet de faire marcher votre GPS, si vous en avez un, ce sont justement des références à des étoiles. Et actuellement, le système, disons la définition de ce système de référence par rapport auquel les positions sur Terre sont mesurées, finalement, ça repose sur des mesures d'interférométrie radio de quelques quasars. Donc, en fait, c'est une centaine de quasars qui sont très précisément mesurés. Et ce que Gaïa va apporter, c'est donc des mesures en optique, cette fois-ci, de 500 000 quasars. Et du coup, ça va donner un système de référence en optique auquel il sera bien plus facile de se raccorder qu'à des mesures radio. Est-ce que ça veut dire qu'une conséquence possible de l'envoi de Gaïa dans l'espace, ce serait que les GPS soient plus précis ? Ça, je ne connais pas assez la technique du GPS pour vous répondre. Mais en théorie, c'est ce que vous laissiez peut-être entendre. D'autres interrogations, avis, commentaires ? Qui voudrait s'exprimer ? Monsieur... Il y a plein de questions ce soir. Oui, bonjour madame. Rebonjour madame. Vous avez parlé d'interférométrie grande base, mais de quelle base s'agit-il ? Alors ça nous éloigne un petit peu de Gaïa, mais oui. La précision, effectivement, il faut des grandes bases, mais quelles sont-elles ? Les grandes bases, il y a des radiotélescopes dont on combine les observations. Et par exemple, il y en a un en Europe, il y en a un aux États-Unis. C'est sur des continents différents. Alors, j'ai dit en introduction que Gaïa, évidemment, on a vu que c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. On n'a pas fini d'ailleurs, hein. Il y a encore des tas de choses à découvrir sur le sujet, il est assez inépuisable. Et on a dit aussi que la NASA n'avait pas de système d'astrométrie comme Gaïa. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi, Olivier Lamarre? Pourquoi? Alors, un petit peu d'histoire. Le premier qui a eu l'idée de faire de l'astrométrie depuis l'espace et qui a intuité, si on veut dire, combien ça pourrait être puissant au niveau scientifique et comme apport pour toute la communauté scientifique, c'était un groupe de scientifiques européens et notamment un Français qui s'appelait Pierre Lacroute, qui avait fait une proposition au CNES, qui avait fait une première étude. Ça, c'était dans les années 60. Et ça s'est concrétisé finalement à l'ESA par Hipparcos. Le CNES ayant jugé que c'était trop cher pour lui, il a dit hop, il a refilé ça aux collègues de l'ESA en disant vous avez plus de sous. Et c'est la toute jeune ESA, c'était l'une des premières missions, l'un des premiers projets acceptés à l'ESA, parce qu'elle a été créée en 75. Voilà, donc ça a démarré comme ça. Bon, à l'époque, la NASA était engagée sur d'autres priorités. Elle était dans le programme Apollo, le développement de la navette qui allait tout révolutionner. Donc ce n'était pas la priorité de la NASA. Pensait-il, oui. Et puis bon, là-dessus, donc, les Européens ont développé un gros savoir-faire, à la fois pour faire le satellite, mais pour interpréter les données et faire les calculs, parce qu'à partir de tous ces calculs d'écart entre étoiles, il faut retrouver après les positions absolues, les distances, etc. Et il y a vraiment un savoir-faire qui a été fait. Puis à partir de ce moment-là, il y a le LEAD qui est en Europe. Et pour reprendre le LEAD, il faudrait que la NASA fasse un gros effort d'investissement. Et finalement, pourquoi ? Parce que bon, c'est très bien fait en Europe. La NASA a fait Hubble et puis ensuite elle s'est engagée sur le James Webb Space Telescope qui lui succédera avec des contributions européennes. Donc il y a une sorte de Yalta, on va dire, de partage du gâteau plus ou moins tacite. On s'est partagé le ciel. Non, voilà, c'est pas vraiment. Voilà, ben, parce que comme je le disais, toutes ces grandes missions scientifiques spatiales, leurs données sont publiques au final. Une fois qu'elles ont été traitées, mises au propre, etc., elles sont rendues publiques pour la communauté internationale. Donc ben, les Américains bénéficieront, et je suis sûr qu'ils ne seront pas les derniers à se jeter sur les données de Gaïa, tout comme les Européens utilisent aujourd'hui massivement les observations de Hubble, et d'ailleurs dans une proportion bien supérieure à l'argent que l'Europe a mis sur Hubble, puisque l'Europe a contribué à Hubble. Merci Xavier pour cette petite virgule musicale, Xavier Ferrand qui nous accompagne. On peut le remercier s'il vous plaît. Oui, j'avais une autre question concernant justement ces données dont vous venez. Ah, je vous en prie Catherine, tu en voulais ajouter quelque chose. Je voudrais juste rajouter une petite chose, c'est qu'il y a un autre programme d'astrométrie spatiale qui est en cours, c'est fait par les Japonais et c'est fort astucieux parce que c'est justement dans l'infrarouge. Et que c'est la seule chose que Gaïa ne peut pas faire, c'est de mesurer des étoiles qui soient cachées dans du nuage. Donc ils ont un micro-projet qui est quelque chose qui fait à peu près ça de côté, 10 cm de côté. 10 cm de côté, d'accord. Qui donnera quand même des précisions de l'ordre de celles d'Hipparcos, mais donc dans l'infrarouge proche. Et ils ont un gros projet, mais qui pour l'instant est bien en panne, mais peut-être un jour d'une grosse mission cette fois-ci qui s'appelle Jasmine et non pas Nano Jasmine et qui donnerait donc des étoiles dans le plan galactique, mesurerait des distances dans le plan galactique et vers le centre galactique dans l'infrarouge. Alors Olivier Lamarre, si on a des données aussi précises et intéressantes avec Gaïa, c'est aussi justement, vous l'avez indiqué, parce qu'il y a une étape ensuite. C'est pas seulement tout se passe pas avec Gaïa. Il y a aussi une grosse étape de traitement des informations au sol. Qu'est-ce qui s'en occupe? Comment ça se passe? C'est le genre de choses dont on parle pas tellement. Hein. C'est moins étonnant que Gaïa, mais ça contribue quand même énormément à la qualité des données. Oui, c'est assez. Il faut le noter. Hein. On est complètement ébloui par la technologie spatiale, par les prouesses des industriels qui ont réalisé ces précisions dont on parle, hein, dans l'espace, la stabilité, etc. Et les scientifiques qui ont imaginé qu'on pouvait le faire aussi. Les scientifiques ont imaginé qu'on pouvait le faire. Ensuite, effectivement, ce qui paraît moins sexy, ce dont on parle moins, et c'est pas que sur Gaïa, ça a été le cas sur Planck par exemple, c'est que ce genre de mission qui relève tout le ciel, c'est des gigas, voire des terabytes de données qui sont envoyées au sol. Le satellite, il fait ses mesures, il fait peut-être un petit traitement pour éliminer ce qui est pas trop, ce qui est un petit peu les rayons cosmiques, etc. Éventuellement, et puis il envoie tout ça au sol, et puis débrouillez-vous avec ça. Et je peux vous dire, moi je ne suis pas astrophysicien de formation, je peux vous dire que quand je vois des données brutes qui redescendent d'un satellite, une image par exemple, on ne reconnaît rien du tout, c'est totalement illisible. Ça ressemble à quoi? C'est... Ah ben, c'est plein de bruit, c'est plein de traits, c'est plein de... Ouais. Voilà, parce que derrière, il y a des scientifiques qui ont pédalé depuis 10 ans, en disant, bon, le satellite, il va falloir le calibrer sur telle et telle étoile, au sol, il va falloir le calibrer avec telle et telle mesure, de façon à ce qu'on puisse, à partir de ces mesures complètement bruitées, enlever tous ces bruits, tous ces biais qu'on connaîtra bien, puisqu'on les aura mesurés, de façon à retrouver le signal physique qui est derrière, en l'occurrence la position de l'étoile, etc., des spectres, etc. Et sur Gaïa se rajoute la complexité du fait qu'on veut... On a des mesures d'écart entre étoiles, hein, pour simplifier, et on veut, à la fin, avoir un catalogue, une position par étoile, une vitesse par étoile, mais absolue, pas par rapport à sa petite copine qui bouge aussi. Et pour faire ça, il faut résoudre un énorme système d'équations avec je sais pas combien d'inconnus. Moi, j'avais vu ça sur Hipparcos, quelqu'un avait dit 600 000 équations avec 4 millions d'inconnus, je crois. Donc, Hipparcos, voilà. C'était ça. Voilà. Alors, 600 000 équations avec 4 millions d'inconnus. Voilà. Vous vous souvenez peut-être à l'école, hein, deux équations, deux inconnus. Bon, déjà, ça a commencé à donner la migraine à certains. Bon, Gaïa, là, j'ai posé la question, ils n'ont pas voulu me répondre. Hein, parce que ils ne savent pas compter jusque-là. Ils ne savent pas compter jusque-là. Ça fait une inconnue de plus, alors là, ça, voilà. C'est trop compliqué. Alors, il faut traiter toutes ces données, il faut faire ces calculs. Alors, on se dit, c'est très facile, l'astrophysicien, il sait bien faire le calcul géométrique, poser l'équation, l'écart des étoiles, je les combine, je résous l'équation, puis je mets ça dans mon ordinateur, je fais entrer, et puis ça va tourner pendant la nuit, et puis le matin, j'aurai toute ma position. Eh bien, ce n'est pas possible, parce que si on fait ça, on en a pour des milliers d'années. Donc il faut inventer des systèmes qui vont faire ça de façon très rapide. Il faut traiter des millions d'étoiles en une seconde. Et alors évidemment, on se dit... J'ai vu que si on accordait une seconde de temps à chaque étoile, il faudrait 30 ans en réalité pour... Voilà, pour avoir la mesure au final. Pour avoir la mesure. Donc les scientifiques, ils ont envie d'avoir un petit peu le fruit plutôt que ça. Donc évidemment, on se dit, bon, ben, on va mettre des supercalculateurs très puissants. Alors c'est ce qu'on fait. Mais ça ne suffit quand même pas. Donc il y a un énorme travail derrière pour arriver à traiter tout ça, à faire tous ces calculs de façon intelligente, répartis sur des calculateurs multicœurs, etc., enfin, sur ceux qui connaissent la technologie informatique. Et ce travail, c'est des années et des années et des années de travail. C'est pratiquement aussi long pour préparer le satellite. Pour Gaïa, ça aura pris au final pratiquement 10 ans, parce que ça va se poursuivre au-delà du lancement. 10 ans avec, on a un peu parlé tout à l'heure, peut-être, je ne sais plus, de ce consortium scientifique européen qui fait plus de 400 personnes, qui auront travaillé pendant plus de 10 ans pour mettre au point ces systèmes de traitement informatique. Ah oui, c'est incroyable. Catherine Turon. Peut-être je peux rajouter une chose, c'est que c'est d'autant plus compliqué que toutes les données sont interconnectées. C'est-à-dire que pour avoir la position très précisément, il faut avoir la couleur des étoiles, parce qu'il y a un effet chromatique. Il faut aussi avoir la vitesse radiale, donc vers nous et au-delà de nous, parce que ça influe aussi sur la distance. Parce que bon, une étoile qui vient vers nous, sa distance change. Et réciproquement, pour avoir la vitesse radiale, il faut la position, et pour les couleurs aussi. Donc tout ça... est vraiment interconnecté en plus avec la position du satellite et la direction dans laquelle il regarde. Donc c'est très très compliqué. Et où est-ce que ça se fait ce traitement des données, Olivier Lamarre ? Alors, ce traitement des données, c'est justement la contribution des États membres de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. On a dit 740 millions, c'est le coût du satellite et de son lancement par l'ESA. Et les États européens contribuent en plus de leur poche, Et bien justement, c'est pour mettre au point ce système de calcul, ces super systèmes de calcul. Donc ils se sont répartis la tâche entre les différents pays. Et en particulier, ces centres il y aura 6 centres de calcul qui vont opérer pendant le satellite. Donc il y en a un au Royaume-Uni, un en Suisse, un en Italie, deux en Espagne, puisque il y en a un au centre de l'ESA qui est en Espagne, qui est le centre qui va recevoir les données du satellite, auxquelles vont se connecter les autres. Un autre à Barcelone, qui est la contribution espagnole. Et puis j'ai dû en oublier. Bah, la France. La France, oui, mais il me semble que j'en ai oublié un autre, peut-être pas. La France, c'est à Toulouse, c'est ça ? La France, Genève, j'ai dit. Oui. La France est à Toulouse, donc c'est au CNES Toulouse, et c'est là qu'intervient le CNES, puisque c'est le CNES qui développe le supercalculateur français. Alors développer, ça veut dire concevoir son architecture. Comment il doit, quelle sera quelle machine il faut acheter, comment il faut l'interconnecter, etc. Et également, le CNES soutient les scientifiques dans les laboratoires qui écrivent les logiciels scientifiques, ces fameux logiciels dont on a parlé, et qui ensuite les installent sur cette machine, sur cette super machine, et puis les testent pour de toute façon vérifier sur des jeux de données simulés que ça fonctionne. Merci. Vous avez, sur la toute dernière phrase, répondu en partie à la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il y a déjà eu des simulations d'effectuer par rapport à ces 10 ans de travaux informatiques? Et est-ce que la machine ne risquerait pas de coincer par rapport à un phénomène de data pollution? Alors, vous pensez bien qu'effectivement, c'était l'un des grands soucis. Parce que c'est la data pollution? Bah, disons... Un surcroît d'informations. Alors, c'est ce qu'on redoute sur ce genre de mission, c'est qu'on ne peut pas avoir des vraies données, puisqu'on les aura qu'une fois le satellite en vol. Donc effectivement, l'une des premières tâches auxquelles s'est attelé le consortium, avant même d'exister, c'était de préparer des jeux de simulation les plus réalistes possibles sur des portions de ciel. Donc on connaît quand même assez bien à quoi ressemble le ciel de la galaxie, et de donner ça à manger au logiciel. Donc ça a été massivement utilisé, ça l'est toujours. Il y a des simulateurs qui sont installés notamment au CNES à Toulouse et à Barcelone, sur un supercalculateur de Barcelone. Et alors, on a pris toutes les précautions pour que ça n'arrive pas. On aura sans doute des surprises. Les gens de Planck ont eu des surprises, mais on s'en sortira. Je vous le souhaite. C'est tout l'espoir qu'on peut fonder, effectivement. Bonne réussite. Alors, des étoiles qui bougent. On a compris ça, les étoiles de notre galaxie. Est-ce que ça signifie qu'on sera capable d'imaginer à quoi va ressembler notre galaxie dans les temps à venir, les millions et les milliards d'années à venir, Catherine Thuron? Eh bien oui, oui, oui, tout à fait. Ben, on a vu tout à l'heure l'exemple de la Grande Ourse. Bon, alors c'est un exemple effectivement d'étoile très proche sur un tout petit nombre d'étoiles, mais oui, on pourra à la fois imaginer ce qu'elle va devenir, mais aussi comment elle était dans le passé. Comment elle était dans le passé, oui. Voilà, et donc une des choses qu'on attend avec beaucoup d'intérêt, c'est de pouvoir déterminer les étapes successives de l'évolution de notre galaxie. Comment elle s'est formée? Est-ce qu'il y a eu des rencontres plus ou moins apocalyptique avec d'autres galaxies avant? Est-ce qu'il y en aura d'autres après? Alors, il y a eu des rencontres, non? Il y a eu au moins une, non? Il y a pas au moins une, c'est la galaxie du Sagittaire, ouais. Qui donc a dû traverser notre galaxie, ou est en train d'ailleurs de la traverser. C'est peut-être pas complètement terminé. Hein. Voilà. Et donc, ça laisse effectivement des grandes traînées d'étoiles qui sont comme des queues de marée, disons. Ah, oui. Alors, il y a une question. Oui. Est-ce qu'il existe à l'échelle mondiale une concertation pour la définition des différentes missions? Qu'est-ce que vous appelez la définition des missions? Ah oui, qui fait quoi, etc. Qui fait quoi? Est-ce qu'il y en a un qui décide? Par exemple, les Japonais, de leur côté, vont décider d'envoyer dans l'infrarouge, alors que la NASA va, ou l'ESO va faire autre chose. Est-ce qu'on se répartit le travail? Est-ce qu'il y a une concertation cohérente? Alors, les scientifiques du monde entier ne connaissent pas de frontières. Donc, il faut savoir. Les scientifiques, ils se parlent sans arrêt. Ils sont sans arrêt. Ils sont tout le temps dans des colloques. Ça nous coûte cher au CNES parce qu'il faut tout le temps leur payer plein de voyages. Ils vont tout le temps dans des colloques aux quatre coins du monde. Et il y a des scientifiques français qui préfèrent travailler avec une équipe américaine, japonaise, coréenne, etc., plutôt qu'avec le collègue du bureau d'à côté. Alors, au niveau scientifique, tout le monde sait parfaitement les idées qu'il y a dans les têtes des autres collègues. Et donc, il y a une certaine En général, déjà, il y a un premier filtre à ce niveau, c'est-à-dire qu'un scientifique, des groupes de scientifiques ne vont pas s'engager sur quelque chose qui est déjà bien avancé ailleurs. Ou alors on s'associe à eux. Ou alors on s'associe à eux, ou alors parfois il y a de la concurrence, donc ça arrive qu'il y ait quand même des gens qui disent non, nous on veut faire notre truc à nous. Bon. Alors après, il y a les tâches des agences, parce que les scientifiques ils vont arriver avec des idées, puis il faudra les financer. Donc c'est là qu'ils arrivent aux agences, et ça, c'est le travail des agences. Il y a une concertation permanente entre les agences au travers de tas de réunions bilatérales, etc. Ça fait encore des voyages. Ça fait encore des voyages. Et puis en plus, les gens des agences, ils aiment bien les beaux hôtels, alors ça coûte encore plus cher. Voilà. Et c'est pas formel. C'est-à-dire, il n'y a pas de comité qui dit, bon, ben voilà, vous ferez ça, nous, on fait ça. Donc, en général, ça se fait sur le bon sens. C'est-à-dire que, tiens, vous faites une mission dans l'infrarouge. Nos scientifiques, ils nous disent que c'est vachement intéressant. On aimerait bien participer. Donc, ça veut dire pouvoir avoir accès aux données et puis... bien comprendre l'instrument, donc participer à sa fabrication. Donc finalement, est-ce qu'on pourrait pas, je sais pas, fournir des détecteurs, une électronique, voilà. Donc ça se fait assez naturellement comme ça. Parfois, il y a des agences qui se tirent la bourre, qui se disent, moi je suis parti sur mon projet, même si en face ils ont un projet, je vais me dépêcher, je vais courir vite et je vais lancer mon satellite avant eux. Et c'est moi qui ferai la plus belle science, les plus belles découvertes. Alors ça, en Europe... Ça fait rire, Catherine Thuron. Pourquoi ça vous fait rire, Catherine Thuron ? Il y a des exemples. Bon, des exemples plus ou moins agréables, mais bon, il explique très bien. D'accord. Et alors, bon, en général, en Europe, on essaie d'éviter de jouer ce petit jeu-là, en tout cas avec la NASA, parce qu'on perd toujours. Mais oui, il y a des exemples. Sauf quand on fait Gaïa, et c'est eux qui sont à la remorque. Voilà, la Gaïa, on est tranquille, hein, on sait qu'il n'y a rien d'autre. Donc il y a eu des exemples de projets concurrents qui sont allés jusqu'au bout, hein, entre par exemple la NASA et l'ESA. C'était quoi par exemple ? Par exemple, XMM Newton, c'était l'observatoire en rayons X qui vole actuellement, a un concurrent qui s'appelle Chandra, qui est un très grand télescope spatial en rayons X américain. À l'époque, dans les années 90, quand on se demandait en Europe s'il fallait faire XMM ou pas, il y avait des gens qui disaient « Ah ben non, regardez, les Américains sont en route, ils vont peut-être lancer avant nous, c'est pas la peine. Bon, » Finalement, la direction de l'ESA d'époque a dit « Non, on le fait quand même. » Bon, ça s'est révélé un bon choix parce que les deux satellites font pas exactement la même chose. Et il y a une telle science, parce qu'on découvrait, là, on ouvrait une fenêtre sur le domaine des rayons X. Donc finalement, XMM était un très grand succès, même si Chandra a été lancé avant. On peut parler de Corot et Kepler, qui ont également, sont complémentaires, mais ont été un peu vus aussi comme des concurrents. Le premier qui sera lancé fera les premières annonces fracassantes d'exoplanètes de type terrestre, peut-être en zone habitable. Alors vite, vite, c'était la course au lancement. Si ton GPS peut t'amener chez Barbara, ça n'est pas dû au simple hasard. Si ce soir enfin tu l'embrasseras, c'est grâce à quoi, grâce à quoi, grâce à quoi, grâce au quasar. Oui, vous avez parlé des agences spatiales américaines, des agences spatiales, là c'est ma question un peu annexe, mais vis-à-vis du shutdown financier américain, est-ce que la sonde Maven en direction de Mars va pouvoir être lancée ? Est-ce que la sonde Maven en direction de Mars va pouvoir être lancée ? C'est tout proche, hein, c'est dans quelques semaines là. Alors c'est intéressant cette histoire de shutdown parce que ça montre comment il faut faire. Dans les grandes agences. Nous, on prend beaucoup de leçons au CNES en ce moment en regardant ce que fait la NASA. Quand il y a eu l'annonce du shutdown, on a reçu en quelques minutes une série de mails extrêmement spectaculaires, dont un, par exemple, qui disait d'un correspondant juridique, parce qu'on a beaucoup d'affaires juridiques en cours, des accords qu'on est en train de négocier, qui a dit « J'ai quelques minutes pour vous informer que je dois retourner chez moi et je n'ai pas le droit de me connecter à mes mails, donc toutes nos activités sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. » Hop. Écran noir. Pratique. Et puis on a eu une annonce de la NASA dans la presse disant la sonde Maven, le lancement est reporté sine die, shutdown. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils ont aussi annoncé que le robot Curiosity, qui a coûté 2,5 milliards, allait être mis dans un mode de stand-by en attendant des jours meilleurs. Donc on s'est dit, oh là là, c'est vraiment très spectaculaire. Et donc on s'est dit, oh là là, c'est vraiment très grave. Et puis, quelques jours après, on a vu passer une annonce. Enfin, on n'a pas vu passer une annonce. On a appris que le Curiosity continuait son petit bonhomme de chemin parce que le JPL, qui le pilote, a quand même un petit peu de caisse noire en réserve. Et puis, on a vu passer une annonce comme quoi Maven, finalement, allait avoir droit à une procédure d'exception parce que quand même, bon, si on ne le lance pas, c'est un peu embêtant parce qu'il y a un rendez-vous avec Mars à pas rater et après, ça reporte à plusieurs années. Voilà, donc voilà, il y a du poker là derrière. On s'arrange. Il y a un petit jeu de poker menteur, alors, c'est ça ? Oui, tout à fait, il faut faire passion. Ouais. On a parlé donc de effectivement, ces mouvements d'étoiles, de cette dynamique de la galaxie. On peut savoir à quoi elle ressemblait dans le passé, à quoi elle va ressembler dans l'avenir. Il y a une chose dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est de la chimie. Parce qu'on a beaucoup parlé de la position, de la distance des étoiles, mais Gaïa va faire plus que ça. Va s'intéresser à la chimie des étoiles, à leurs couleurs également. Voilà, alors pour arriver à vraiment décrire une étoile, comme sur votre carte d'identité, il y a où vous êtes né, à quelle date, il y a la couleur des yeux des fois, non ? Il me semble maintenant. Ah bien sûr, oui. Voilà. Bon, il y a une photo qui montre la couleur des cheveux, etc. Et donc pour comprendre vraiment aussi bien l'évolution des étoiles que celle des galaxies, et de la nôtre en particulier, c'est important de connaître où sont les étoiles dans la galaxie et comment elles se déplacent. Mais c'est aussi très important de savoir leur couleur, qui est un signe de leur température, et aussi de connaître la composition chimique de leurs atmosphères, qui évolue beaucoup au cours du temps de la galaxie. C'est-à-dire qu'au début, il y avait quasiment que de l'hydrogène et éventuellement un petit peu d'hélium. Et ensuite, par la suite, donc les premières étoiles qui sont formées à partir de ce gaz ont explosé. Hein, c'était des étoiles très massives qui ont évolué très vite et qui ont explosé. Et ça veut dire que les étoiles suivantes se sont formées à partir d'un gaz qui était beaucoup plus riche en éléments déjà refabriqués par les étoiles précédentes. Et donc ces éléments-là, c'est du fer, par exemple, du silicium, du magnésium, de l'oxygène. Et donc, si on arrive à mesurer ça, et c'est pour ça que Gaïa a à la fois des spectrophotomètres et un spectrographe, donc si on arrive à mesurer ça en plus des températures des étoiles, on a une foule d'informations de nouveau sur les différentes les étapes successives de la formation et de l'évolution de la galaxie. Il y a un autre point dont on n'a pas parlé, c'est les chandelles. Alors, on a parlé ici des quasars, hein, qui sont des chandelles, hein, ce qu'on appelle des chandelles, c'est-à-dire... C'est pas ça. Non, je me trompe. Ah, pardon. Alors, reprends-toi à zéro. Des chandelles, alors. Allez-y. Alors, ce qu'on appelle chandelles, c'est vrai que ça pourrait être les quasars, ça serait joli, mais c'est pas ça. C'est donc, les céphéides avant toute chose. C'est essentiellement les céphéides, mais pas seulement. Alors, l'idée de chandelles. Pourquoi des chandelles ? Donc... Un des gros soucis des astronomes depuis fort longtemps, c'est d'essayer de comprendre non seulement la galaxie, mais l'univers, et donc une fois de plus la profondeur, donc l'échelle de distance, et ce qu'on appelle l'échelle de distance cosmique, c'est-à-dire que ça va sortir de notre galaxie, ça va aller dans les galaxies les plus proches, dans ce qu'on appelle le groupe local de galaxies, et puis aller déterminer les distances du groupe de galaxies plus lointain, enfin, juste après, et puis encore de plus en plus loin. Et donc, il y a des objets particuliers dont on peut observer certaines caractéristiques qui vont nous permettre de déduire leur distance. Donc, les céphéides sont effectivement l'exemple typique. Donc, on appelle chandelle à cause de ça, parce qu'il se trouve que leur luminosité est reliée très précisément à leur période de variation. C'est des étoiles variables très brillantes. Donc on variable, ça veut dire que c'est leur luminosité leur qui luminosité varie dans le temps. Leur luminosité varie dans le temps. Elles ont des périodes très régulières. Donc leur variation de luminosité est très régulière. Et la période de variation est reliée à la luminosité intrinsèque des étoiles. À la luminosité intrinsèque. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il faut expliquer pourquoi c'est si important de connaître la luminosité intrinsèque, c'est-à-dire effectivement la luminosité véritable, d'un corps, plutôt que la luminosité telle qu'on l'observe. Parce qu'évidemment, plus un objet est loin, plus sa lumière nous apparaît de façon ténue dans nos télescopes. C'est-à-dire que deux objets qui ont la même luminosité peuvent être à deux distances extrêmement différentes s'ils ont des luminosités réelles très différentes. Voilà. Donc, si on sait que la période de variation de luminosité, qui est quelque chose qu'on peut mesurer très facilement, est reliée par une relation très simple à la luminosité réelle, en observant aussi la luminosité apparente et en comparant les deux, on a la distance des étoiles en question. Donc le problème, c'est de calibrer cette relation. Et donc ça se fait en utilisant des étoiles, soit dans notre galaxie, soit dans le grand nuage de Magellan en particulier. Qui est une autre galaxie, hein, qui est proche de nous. Qui est la plus proche de nous. Et donc ça a été découvert par une astronome qui s'appelle Henrietta Leavitt et qui a remarqué que dans le grand nuage de Magellan, il y avait des céphéides dont les périodes de variation lumineuse... Les céphéides, ce sont ces étoiles hein, variables. C'est toujours les mêmes, voilà. Variaient et que donc plus elles avaient une on pouvait supposer qu'elles étaient à peu près à la même distance de nous parce qu'elles étaient toutes dans le nuage de Magellan et que plus leur période de variation était longue et plus elles étaient brillantes. Donc elle a bien vu qu'il y avait une relation entre période de variation lumineuse et luminosité. Donc avec Gaïa on va pouvoir calibrer cette relation en mesurant très précisément... De façon encore plus fine que jusqu'ici. Ah ben, beaucoup plus fine, parce qu'en fait, la distance des grands nuages de Magellan, on ne la connaît pas vraiment précisément. Donc, avec Gaïa, on va pouvoir mesurer donc les environ 400 étoiles variables céphéides dans notre galaxie, avec des distances trigonométriques, donc très précises, et ça permettra de calibrer toutes les autres céphéides observées, qu'on peut observer jusque dans des amas extrêmement lointains. On pourra voir effectivement dans certaines galaxies lointaines des étoiles individuelles. Ah oui, non, ben Gaïa en verra jusque dans Andromède, par exemple, qui est la galaxie spirale la plus proche de nous. Mais avec des télescopes comme Hubble ou comme les très grands télescopes au sol, on observe beaucoup plus loin que ça. Et donc quand on voit des céphéides, on peut supposer, alors il y a quand même une grosse hypothèse, c'est que les céphéides de notre galaxie, des nuages de Magellan, d'Andromède et des galaxies très lointaines suivent le même genre de loi. Et donc, avec Gaïa, on pourra quand même un peu vérifier avec celle du nuage de Magellan, du grand nuage de Magellan. On va bientôt se quitter, mais on a encore peut-être quelques petites questions. Hein, s'il y a... Oui, alors oui, on va terminer avec ça, t'inquiète pas. Cela dit, on peut le regarder, oui, effectivement, il y a cette image-là qu'on n'a pas encore... commenté, hein, qui parle d'Hipparcos, hein, qui permet de faire un comparatif entre Hipparcos et Gaïa. Est-ce que vous voulez bien nous le commenter, Catherine Turon ou Olivier Lamarle ? Bien, alors ces figures représentent... quand on est basé, nous, on est quasiment au Soleil hein, par rapport au reste de la galaxie. Si on prend... Et le Soleil, on le voit en bas à gauche de chaque image. Voilà. Donc nous, on est en bas à gauche de chaque image. Et on regarde dans la direction de l'amas d'Hésiade, qui est donc l'amas d'étoiles le plus proche du Soleil. Et donc si on regarde dans une tranche de camembert dirigée vers cet amas, ce qu'on avait dans les années 60 comme mesure de position, donc chaque point du graphique de gauche, enfin du dessin de gauche... On regarde le dessin de gauche, oui. Voilà, chaque point était une étoile qui avait une mesure de distance, disons déjà existante avant Hipparcos. Et chaque trait de part et d'autre des points représente les erreurs sur la mesure de la distance de ce point-là. Donc ça veut dire que les points peuvent se situer un peu n'importe où sur la barre qui est associée à chaque point. Voilà. Donc il y avait pas mal d'incertitudes là quand même. On peut dire qu'il y en avait quand même beaucoup. Donc on supposait qu'il y avait bien un amas dans ce coin-là. Mais de là à dire à quelle distance exactement il était, et alors ne parlons pas de sa structure à trois dimensions. Bon. Donc avec Hipparcos, même chose, donc chaque point est une étoile mesurée par Hipparcos, et chaque donc on trait, voit aussi, ouais, on voit aussi les incertitudes qui sont beaucoup plus petites que dans le graphique de gauche. Donc là on a vu quand même qu'il y a un amas. On voit très clairement qu'il y a un amas qui est bien regroupé, hein, ça n'a rien à voir avec le dessin de gauche. Et ce qu'on a fait donc pour la première fois, c'est vraiment une étude à trois dimensions de cet amas, aussi bien en distance qu'en mouvement. Et donc avec Gaïa à droite, donc tous les points sont les étoiles qui pourront être mesurées par Gaïa, et les incertitudes sur la distance, eh bien elles sont dans les points, on les voit même pas. On les voit même pas. Voilà. C'est un amas ouvert. C'est un amas ouvert, oui, tout à fait. Un amas ouvert. Et donc, ça va permettre, donc avec Gaïa, bien sûr, d'étudier la structure à trois dimensions, non seulement de l'amas des Hyades, mais de beaucoup d'autres amas et de la galaxie elle-même. On a bien compris que Gaïa va regarder le ciel tout entier, va avoir un grand filet et va attraper énormément de choses. On a parlé surtout des étoiles, on a un petit peu parlé de quasars. Il y a plein d'autres objets aussi qui vont être attrapés dans ce grand filet. On en a cité un, c'est les supernovés. Il y aura aussi des astéroïdes, des comètes aussi peut-être, je ne sais pas. Il y aura quelques comètes, il y aura 500 000 astéroïdes. Disons. 500 000 astéroïdes. Ah oui, énorme. Donc il y en aura... Souvent qu'on ne connaît pas alors. Il y en aura sûrement qu'on ne connaît pas parce qu'on peut observer, par exemple, les astéroïdes qui sont à l'intérieur de l'orbite de la Terre, ce qui est quasiment impossible à faire depuis la Terre. Ah oui. Et donc, on va aussi observer, bien sûr, ceux qui sont connus entre Mars et Jupiter et les plus brillants de ceux qui sont au-delà de Neptune. Mais effectivement, oui. Très bien, on va terminer. Non, on va terminer quand même avec les supernovas, etc. On les va astéroïdes. Continuer. Donc, les astéroïdes. Donc, ça veut dire qu'on va effectivement en découvrir quelques-uns. Et puis, on va surtout améliorer énormément les orbites, la connaissance des orbites de ces objets. Et disons qu'avec avec les 5 ans d'observation de Gaïa, on va faire mieux sur les calculs d'orbite qu'en 100 années au sol d'observation au sol. Oui, on va continuer avec les supernovées. Les comètes ou les supernovées? Les supernovées, s'il vous plaît. Supernovées. Monsieur n'a pas de micro. Bon, alors les supernovées, il n'y en a pas beaucoup, hein, de toute façon. Donc, si on a la chance qu'il y en ait une qui explose, qui soit observable par Gaïa et qui explose donc, dans une galaxie. Ça, ce serait le rêve, là. S'il y avait une supernovée qui explosait, une étoile qui explosait en fin de vie, ce serait extraordinaire. Pourquoi? Il y en a une qui a explosé dans le grand nuage de Magellan. Donc tout de suite, on l'a mis dans le catalogue d'observation du satellite. Mais malheureusement, le temps que le satellite soit lancé et soit en état donc, d'observer, la supernovée, elle avait refaibli et on ne pouvait plus l'observer. Ah zut alors, d'accord. Mais bon, avec Gaïa, c'est probable qu'il y en aura bien une, mais c'est à la chance. Hein. Il n'y en aura pas beaucoup. Monsieur, vous voulez parler des comètes. Oui. Je voulais savoir si l'observation faite par Gaïa permettra de préciser les comètes qui proviennent du nuage de Oort. Eh bien, j'avoue que je n'en sais rien. Le nuage de Oort, là, pour le coup, c'est extraordinairement loin. Hein. Oui, j'imagine que oui, puisqu'on va... C'est une source importante de comètes, dis-moi. Non, mais j'imagine que oui, puisqu'on va obtenir une très bonne détermination des orbites, donc on pourra savoir d'où elles viennent. Donc je pense que la réponse est oui, tout à fait. Je crois que quelqu'un avait demandé... Ah, il y a peut-être une question sur Twitter, avec Abby. Oui. Une question de Michael Wilmer, Captain Galaxy. Il veut savoir si Gaïa permettra-t-elle de sortir du flou autour du nombre de bras de notre galaxie et de leurs ramifications. Permettra-t-il de sortir du flou autour des bras du nombre de bras de notre galaxie et de ses ramifications? Eh bien, nous espérons bien, en effet, puisqu'on va mesurer beaucoup d'étoiles qui seront dans les bras. Et donc, justement, leur position dans la galaxie et leur mouvement dans ses bras. Donc oui, absolument oui. Et en plus, ce que ça permettra d'obtenir, c'est la position du Soleil. Donc notre étoile par rapport au bras de la galaxie. Est-ce qu'il est dans un bras, au bord d'un bras, au bord d'une ramification? Pour l'instant, on ne sait pas. Peut-être une dernière question de monsieur. Donc, vous avez parlé, à juste titre, de l'histoire de la galaxie passée et à venir. Donc, quel est l'avenir supposé de notre galaxie? Bon, alors on peut faire un peu de science-fiction, mais un peu basé quand même sur certaines mesures. C'est que, bon, c'est pas impossible qu'il y ait, disons, une rencontre dans longtemps, hein, entre Andromède et notre galaxie. Mais quand deux galaxies spirales comme ça se rencontrent, en fait... sauf si vraiment elles passaient les deux noyaux l'un en face de l'autre, ça produit des perturbations, mais pas majeures, disons. Hein, c'est-à-dire que les deux galaxies peuvent très bien se traverser, donc ça va créer, bien sûr, des mouvements un peu désordonnés, mais ça ne serait pas dramatique, disons, ni pour l'une ni pour l'autre, à moins qu'elles passent, que Andromède, qui est plus lourde que notre, plus massive que notre galaxie, si elle passait vraiment tout près du centre de la galaxie, à ce moment-là, ça ferait vraiment, disons, ça finirait par faire une seule galaxie. Donc là, ça ferait une très très grosse perturbation. Et bon, dans les photos, par exemple, de Hubble, on voit très bien des galaxies qui se rencontrent. C'est très spectaculaire. Il y a des superbes photos là-dessus. Donc oui, peut-être dans beaucoup de millions d'années. Allez, une toute dernière de monsieur au fond. Oui, c'est juste pour vérifier que j'ai à peu près compris. Donc, on devrait peut-être avoir une nouvelle mesure justement des masses de notre galaxie au travers de ce qu'on aura interprété, puisque on va combiner des aspects visuels avec la troisième dimension, enfin la dimension spatiale qu'on a pas forcément. Donc, j'imagine qu'on espère recaler peut-être ou améliorer notre connaissance de la répartition des masses, indépendamment de la position physique. Oui, non, ça tout à fait. On aura une bien meilleure détermination de la répartition des masses et aussi de la masse de notre galaxie elle-même. Dernière petite question, l'un et l'autre. Comment est-ce que vous vous sentez un mois avant ce lancement? Et surtout si on pense à Hipparcours, dites donc, il faut se rappeler quand même que tout s'était pas extraordinairement bien passé avec Hipparcours. Qu'est-ce qui s'était passé, Catherine Turon, vous en souvenez? Vous avez eu peur à ce moment-là? Ça, je m'en souviens, oui. Ben oui, parce que bon, au lancement, c'était parfait. Ariane avait fait son travail et le satellite était tout à fait sur la bonne direction. Mais donc, Hipparcours aurait dû être sur une orbite géostationnaire. Donc à 36 000 km d'altitude de la Terre. Et pour atteindre cette orbite, Ariane l'avait envoyé sur une orbite qu'on appelle de transfert, comme son nom l'indique, et qui donc devait faire passer le satellite de cette orbite très elliptique, qui passait d'un côté assez proche de la Terre, vers 500 km de la Terre, et de l'autre côté à 36 000 km. Et donc, à bord du satellite, il y avait un moteur avec 450 kg de poudre quand même, qui était censé donc être allumé quand le satellite était à 36 000 km pour l'envoyer sur cette orbite circulaire. Et trois fois horreur, il y avait deux chaînes d'allumage qui n'ont pas réussi à faire flamber ces 450 kg de poudre. Que donc le satellite a continué à promener pendant toute sa vie. Et donc pendant à peu près 6 mois, on a vraiment cru qu'on n'aurait absolument rien. Rien, c'est-à-dire aucune donnée. Il a fallu attendre 6 mois. Eh bien oui, parce qu'au début, ce qu'on voyait comme le paramètre qu'on recevait de celui qui s'occupait de la mission, donc qui manageait la mission à l'ESA, là, Michael Perriman. Je me souviens toujours, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le mail et Internet. Hein. On recevait un téléx tous les vendredis à 4 heures et on portait sur un beau papier millimétré la puissance aux bornes des panneaux solaires. La puissance électrique. La puissance parce électrique. Parce que le Hipparcours s'était mal orienté vis-à-vis du Soleil et donc n'avait pas la puissance électrique. Que ça. On ne va pas rentrer dans les détails parce que notre sujet, c'est quand même Gaïa. Non, mais surtout raconter que finalement, ça s'est bien terminé. C'est-à-dire que l'histoire incroyable, c'est que Hipparcours n'est pas allé sur la bonne orbite, n'est pas allé à 36 000 km d'altitude et est resté sur une orbite elliptique. Et au final, les données que vous avez eues, elles étaient formidables. Bon, alors, peut-être expliquer pourquoi ça s'est abîmé. C'est que, en fait, là, le satellite, du coup, passait deux fois par période, donc deux fois par 10 heures, dans les ceintures de radiation de Van Allen, qui abîmaient donc les panneaux solaires et qui faisaient décroître très violemment la puissance électrique, et qui, d'autre part, ont fini par avoir raison des ordinateurs de bord. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, les panneaux solaires ont fini par arrêter de se dégrader, et que donc, finalement, on a réussi à obtenir environ 60% du temps d'observation qui était prévu. Et grâce à la qualité incroyable de l'instrument bâti par Astrium et à l'expérience la collaboration étroite avec les gens de l'Agence spatiale européenne qui faisaient fonctionner le satellite, Astrium et les scientifiques, on a réussi à faire fonctionner le satellite sur cette orbite bizarre. Et on a obtenu une précision deux fois meilleure que celle qui était prévue à l'origine. À la fin, on a réussi à avoir une précision deux fois meilleure que ce qui était prévu à l'origine, malgré cette... C'est tout à fait incroyable. Tous les espoirs sont permis pour Gaïa. Voilà. écoutez, il me reste à espérer le meilleur pour Gaïa. On va se quitter, cher monsieur. On va tout à fait se quitter maintenant. Et voilà, si vous avez encore des questions, les deux chercheurs sont encore présents. Merci infiniment à eux deux d'avoir été présents et puis de nous avoir donné toutes ces explications. On se retrouve au 19 novembre. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée. Et chacun nourrit sa pensée.